dédié à tous les amoureux. Ça va être bon dans ton karaoké. T'aimes ça les karaokés, Danny? Non, j'haïs ça. Bon, you're out, hein? Fait que Milan, tu peux baisser ça. Je pense qu'on est prêt. C'était. Fait que je te laisse t'en faire ton 5-4-3. En fait, on va avoir une nouvelle formule, c'est-à-dire c'est pas mal comme avant. Là. Ah que, ouais? Moi, pareil comme avant. Moi, je suis... allô? Hey, allô? Bon. OK. Fait que on commence ça dans 5, 4, 3. Bonsoir. En manchette ce soir, on parle de vol, de mariage et de gaz. Vous êtes à 70%. Sur le ninja, peut tuer un ninja. Ninja. Ça a l'air de rien, là, mais ce qu'on vient d'écouter, en fait, c'est une toune thème de 70% que mon petit frère François a retrouvé dans ses affaires et qui m'avait fait en 2007, quelque chose de même. Donc, oui, c'est comme notre deuxième toune thème qu'on a eu ever, mais là, elle a fini en 11e parce qu'on l'a retrouvé une couple d'années plus tard. Bonsoir tout le monde, mon nom est Tommy Godette, je suis l'animateur de 70%, c'est mon emploi bénévole et un envers lequel je n'ai absolument pas grand chose de forçant à dire. Là. Sinon, ben, on a eu une grosse soirée pour vous, on vient d'écouter Chi, il y en a qui étaient là, vous avez peut-être reconnu Sandal Bergman qui était également dans Sonia la Rouge avec un duel contre Kalidor qui n'est pas Conan, ça c'est un autre film des années 80, ça dit quelque chose Danny? Conan, ben oui. J'étais un gros fan de Conan. Excellent. Sinon, ben, on saute dans un 70% relevé avec les chroniqueurs aussi variés que Damien Blasbouchard. On a aussi Mathieu Boudreau, Jean-Sébastien Godette, Andy Jacques, Jesse, t'es de retour. Et bien entendu, Toto, Southcrust, La Brute, l'homme barbu. On va parler de lutte, j'ai l'impression. Vous avez reconnu Bruno Corbin à ma droite. Bonsoir. À ma droite, oui. Et sinon, ben, à 20h30, va venir ensuite notre VJ Emmanuel Côté-Séguin, bénévole de Douteux depuis plus de 8 ans. Il a été le premier à qui feu Simon Chénier passa les rênes du VJisme alors que l'organisme prenait de l'expansion un peu partout. Attendez-vous à des classiques puis des purs. J'ai très hâte de vivre ça. 21h30, un encas magique. 22h30, comme à l'habitude, on tombe dans le karaoké. C'est plus le temps de refuser. Je trouve ça bien effrayant. Donc, c'est le printemps, saison de renouveau, et je suis content de vous annoncer que l'excellent Milan est de retour dans l'équipe directe en tant que technicien. Salut Milan! On peut l'applaudir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allô, salut. S'il vous plaît, oui. Là-dessus, merci beaucoup à Yannick pour ses précieux services et longue vie à 70%. Rendu là, vous êtes au courant, c'est ma fête ces temps-ci, ça ne finit jamais. J'ai encore eu un cadeau de fête ce soir, il est pas trop tard, vous pouvez me les apporter. Mais moi, ce que j'ai surtout eu en fin de semaine pour mon party de fête, et tu vas l'adorer, Danny, check bien, le témoignage de sympathie. C'est ma carte de bonne fête, c'est un témoignage de sympathie. Et je la lis. Personne ne peut ressentir le chagrin que tu ressens car tes sentiments sont uniques et immensément personnels. Ça c'était écrit sur une carte que quelqu'un a achetée. A acheté pour okay, me la c'est donner. Bon. C'est, je... Déjà là, j'étais conquis. Et là, ensuite, à l'intérieur, personne ne peut affirmer comprendre ce que tu ressens. Si ce n'est que le savoir d'une telle peine est pénible et tellement réel. Mais si tu as besoin de quelqu'un en qui te confier, quelqu'un sur qui t'appuyer. N'oublie pas qu'il y a des gens qui se soucient de toi. Yo, vous avez vu comment ça dit pas « tu peux compter sur moi non plus hein? ». Il y a des solutions quelque part. Il y a quelqu'un d'autre qui peut s'en charger. Exactement. C'est sûrement, je pense, c'est genre tautologique et objectif circulaire. Là. En fait, j'ai rien compris. Là. Ah ouais, hein? Bon, oui, en fait, il n'y a aucun pas dans aucune direction qui est fait. Là. La personne qui fait ce souhait-là te souhaite de continuer à pouvoir recevoir des souhaits. Genre. De toute beauté. Sinon, ben, on va l'applaudir. C'est notre invité de ce soir, Danny Plouf, s'il vous plaît. Danny est venu baigner avec nous depuis longtemps avant le show. J'adore ça, merci beaucoup. Je voulais pas me tenir trop proche parce que je savais que la discussion était pour prendre. Puis là, ben, on n'aurait pas pu se découvrir ici en public devant tout le monde, comme le veut la tradition. Sceptique, bienvenue aux douteux. Ouais. Merci beaucoup. C'est important, ces affaires-là. Tu me disais tantôt, et gars, tu vois, on en a parlé. C'est la seule affaire qu'on a parlé, puis il faut en reparler là. T'as déjà voulu acheter le site internet de douteux.org. Ouais, quand je cherchais pour un nom de blog, je cherchais plein de noms, puis je voulais pas avoir quelque chose qui avait l'air trop sérieux, puis en même temps, tu sais, que j'avais pensé à douteux. Puis là, j'ai cherché, puis je suis tombé sur douteux.org. J'ai dit, ah, trop tard, c'est pris. Fait que... Et finalement, c'est sûrement pas une coïncidence. Hein? C'était, ben non, écoute, c'était le destin qui voulait que je vienne à cette émission-là 2 ans plus tard. On se veut peut-être, tu vas pouvoir m'en parler, parce que toi, tu es un sceptique québécois, comme si personne ici n'avait ce pouvoir-là. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu as transformé ça en plus qu'un passe-temps. Là, ça devient ton cheval de bataille. Tu fais des conférences là-dessus. Ouais, en fait, j'ai un blog, je fais des conférences, je suis aussi porte-parole des sceptiques du Québec. Fait que je fais différentes activités en lien avec le scepticisme, sauf que bon, j'ai un travail aussi à temps plein. Comme tout le monde, je dois gagner ma vie, puis c'est pas très payant d'être sceptique. En fait, ça serait. Mais me semble que j'entends mon père aussi demander ça, là. quand... Mais en fait, je veux dire, on apprend tellement de choses que ça serait intéressant peut-être de devenir un peu plus charlatan. Mais bon, hein? Mais tu sais, je. Ça viendra. Ça, écoute, il te reste encore plein d'années pour aigrir. Mais tu sais, je ne suis pas nécessairement sceptique sur tout. Hein. Non. Parce qu'il y a quand même des choses que... Mais en fait, il y a quelque chose... En fait, je trouve ça intéressant d'être ici parce que en étant au douteux.org, ça me permet de m'exprimer un peu plus. Des choses que je ne dis pas publiquement en général. T'sais, 70% ben ouais, est une tribune pour se mettre les pieds dedans. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme ce soir, j'ai emmené un animal particulier. Oh, on est dans la boîte, là? Oui, oui, dans la boîte. Est-ce qu'on est invité à l'ouvrir? Là? Non, non, ben, on peut pas l'ouvrir. Il faut que j'explique, mais c'est pas n'importe quelle sorte d'animal, c'est un dragon. mais c'est pas n'importe quel type de dragon aussi. C'est un... Ah, je te l'ai déjà. C'est un dragon. Ouais, je vais te le vendre tantôt, tu vas être convaincu. C'est un dragon magique. C'est un dragon barbare. C'est mes préférés. Ben ouais, mais tu sais, comme c'est évident que c'est un dragon magique, parce que sinon, comment est-ce qu'un dragon pourrait tenir dans ma boîte s'il n'était pas magique? Ben, ce serait la boîte qui serait magique. C'est ça. Fait que, c'est ça. Puis on... Ah, j'ai joué à Donjon, aussi, hein? On avait des trous sans fond, c'est pratique, ça. Tu joues à Donjon aussi? Ben oui, il faut. Faites jouer vos enfants à Donjons et Dragons, là. Point et barre, ça l'aide avec les filles. Check, moi! Ensemble, je suis sceptique. Ouais, puis ouais, c'est ça, fait que c'est un dragon magique que j'ai. Puis je sais qu'il y en a qui vont douter un peu, tu sais, parce que c'est douteux.org. Oh, ouais. Mais tu sais, c'est que, tu sais, il faut considérer qui est expert en dragon ici. Moi, je suis un expert en dragon. Est-ce que tu es un expert en dragon? Ah, oh, moi, connais? Écoute, j'en ai tué des jaunes, des verts, des bleus, des rouges. Ouais, okay. Ça. J'en ai vu dans toutes sortes de jeux aussi. Des dragons magiques, t'en as vu aussi? Oui, oui, ben c'est mes préférés. En général, ils sont magiques, en fait. En général. Il y a juste les commodos qui sont pas magiques, ouais. Mais ceux-là, je n'en ai jamais vu. Puis, tu sais, en fait, je vais même prouver au public que c'est bel et bien un dragon magique qu'il y a dans la boîte. Hein? Ce que vous voulez faire? On va faire une petite expérience avec les gens. Je demanderai aux gens de fermer leurs yeux. Hein? Je bougerai pas d'ici, inquiète-toi pas. OK, je vais changer l'eau en vin. Retournez-vous. Tu sais, fermez les yeux. Non, moi je ferme les yeux, là. Moi, okay. Je veux un dragon magique. Puis là, essayez de penser à rien. Hein. Essayez de libérer votre esprit. À part au dragon magique. Puis, non, passe pas au dragon magique, mais libère ton esprit. Puis là, ça se pourrait qu'il y ait une image de dragon qui te vienne en tête. Mais je dis pas, de le forcer, je dis que ça pourrait arriver. Si je vois un ptérodactyle, c'est correct. C'est Piniki, le petit dragon rose. C'est lui. Ça marche même pas, je vois rien. Tu vois rien? Il y a des gens qui ont vu un dragon? Moi. Ah, et voilà, ben c'est le dragon qui se manifeste comme ça. C'est quand on libère notre esprit, ça permet au dragon magique d'apparaître dans notre esprit. Fait que si tu l'as vu, ça démontre que le dragon magique existe bien et bien. Ouais, ben ne touche pas. Fais attention, il est... Puis là, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ben ouvre la boîte pour le démontrer, mais il est timide, surtout quand les gens y croient pas. Fait que quand les gens y croient pas, il veut pas se manifester. Fait qu'il devient invisible, tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y croit, ici? Hein? Au dragon, moi je veux. Est-ce que vous exigez que de le voir quand même? Non, parce que je l'ai vu, déjà. C'est ça? Ben, en fait, moi, je veux juste être sûr qu'il est vivant, là, parce que... Tu veux être sûr? Mais tu l'as vu. Il n'y a pas de trou dans la boîte. Mais c'est que là, je communique télépathiquement avec lui, mais c'est que là, c'est que tu doutes de son existence. Fait qu'il ne se montrera pas. C'est-tu de la merde? Non, mais en fait, non. Es-tu en train d'essayer de nous convertir au christianisme? C'est ma déformation professionnelle qui parle. Comment? C'est ma déformation professionnelle qui parle. Ouais, mais c'est ça. C'est que si tu demandes de le voir, c'est parce que tu doutes. Fait que si quelqu'un demande de le voir, on peut pas le voir. Ouais, mais Leave the dragon alone! Moi, c'est de ta capacité à t'en occuper que je doute. Je veux voir qu'il est en santé, le dragon. Ben tu l'as communiqué avec lui? Tu l'as vu tantôt? Ben, j'ai vu une face de dragon. Ah, ben, ça veut dire qu'il t'a communiqué avec toi. T'as des preuves comme quoi qu'il... Hey, il y a le dernier mot, man. t'es même pas... C'est plein de trous, ton affaire, moi, je trouve. Non, mais c'est la métaphore du Non, de la valise de Pulp Fiction. Ah, classique. Ben oui, mais ça... Sinon, ben attends que mais c'est ce cas-ci, il y a des gens qui veulent louer mon dragon magique 1 000 $ par jour, je peux vous le prêter. Fait que venez boire, puis on s'arrange. Peux-tu l'avoir une première fois gratuitement? Non. Ah, on parle de sceptique. Y a-t-il une garantie? C'est une garantie, ben oui. Ben, tu rouvres pas la boîte. Si t'as besoin d'une garantie, c'est parce que tu doutes du dragon. Et t'as pas besoin d'une garantie si tu doutes pas du dragon. Ils aiment pas ça, les gens qui doutent. Puis moi, je veux un dragon heureux dans cette boîte-là, right now. Il est très, très heureux. Pense à toi, grosse bine. Moi, je crois qu'il y a un dragon, mais pas nécessairement dans cette boîte-là. Moi, je pense que les cendres de Bruce Lee, le dragon. Comment? Les cendres de Bruce Lee, le dragon. Mais non, voyons l'autre. Non, mais moi, je pense que c'est un dragon barbu qu'il y a dedans. Je pense que... Non, ils ont vraiment pas compris c'était quoi l'exercice. Hein. En tout cas... Merci. Non, je pense qu'on a très bien compris c'était quoi l'exercice. Justement. Peut-être qu'on est en train de le vivre. Sinon, ben, y a quelque chose que je voulais demander à un sceptique, un vrai. Pourquoi est-ce qu'il appelle ça des fausses sceptiques? Il y a un C entre les deux différents. Ah. C'est comme dans... Ah oui, parce que sceptique, comme tu sais poser des questions, c'est pas de SC. Mais les fausses sceptiques, c'est SC. Mais en fait, aux sceptiques du Québec, le prix remis à chaque année à la personne qui n'a pas fait preuve d'esprit critique ou le groupe qui n'a pas fait preuve d'esprit critique s'appelle fausse sceptique. Je pensais que c'est ça que tu m'as demandé. Ouais. Okay, non, fausse sceptique. Tout ça, ça me vaut aussi. Sinon, ben, question qu'on demande à tous nos invités, puis on vient de parler de magie. Est-ce que tu joues à Magic? Non, mais je jouais autrefois à Donjon Dragon. Dans mon jeune temps, C'est pas ça. On n'est pas sauf au premier but, mais ça, ton c'est, pote, c'est les cartes, c'est les cartes, là, les ouais, trucs ouais, qu'on ouais, annonce. Ouais, ouais, ouais. Je viens de trop loin, il n'y en avait pas là-bas. Ben, je viens de l'Abitibi, puis on en avait. Là. Ah ouais? Il arrêtait pas à Mont-Laurier. Je viens de Mont-Laurier. Tu connais Mont-Laurier? Ben oui, certain. T'arrêtes aux toilettes au McDo. C'est la place qui fait vraiment beaucoup de bien quand tu t'en viens. Ça t'arrête aux toilettes au McDo à Mont-Laurier. Ah, ben ça me va. Ça me va. C'est un très beau McDonald's. D'ailleurs, je me rappelle, le McDonald's de Mont-Laurier a gagné un prix pour être un des plus beaux McDonald's. C'est vrai, hein? Ah ouais? Celui gris, là, il y a plein de puits de lumière dedans. Là. C'est aller visiter ça. Sinon, ben, wow, c'est l'attraction touristique de Mont-Laurier. Officiel. Ben sinon, il y a quoi? Des arbres, des lacs. Une très Oui, il y a une excellente microbrasserie, la Brasserie du Lièvre. Ils font une excellente. C'est sûr que c'est pas aussi bon qu'ici. Mais mais ici c'est très bon aussi, là. J'ai une excellente bière. Mais oui, il y a une très bonne microbrasserie. Puis il y a aussi des arbres puis des lacs. Ouais, c'est pas le même trip. Oh, c'est ça. Là, des dragons magiques. Avec pas mon laurier de checker le McDonald's, là. Vous allez revenir, vous allez dire « Tommy, je suis vraiment déçu ». Voyons. Sinon, Danny, on demande tout le temps à nos invités aussi de nous faire un indicatif en onde. Ça veut dire, là, tu dis « Je m'appelle Danny Plouffe, je suis un sceptique ». Mets la twist que tu veux, là. Tu peux dire « Ça sent spécial » ou « T'es pas sûr ». Ce que tu veux. J'écoute 70%. Chou. Ouais, c'est ça. Même, d'habitude, là. À frette. Bon, je suis Danny Plouffe, un sceptique, un scientifique, un douteux, hein? Un douteux qui a quand même un dragon magique qui loue à 100$. Fait que venez me voir après. Puis je vais vous louer ça. 70%? J'ai dit 1000$. J'ai dit 100$. Ouais. Écoute, il dit qu'il parle à faire après. Merci, Danny. Hey, applaudissez-le encore. Là. Go! Sinon, tu nous avais préparé d'autres affaires parce que là, le show commence. Hein. Toutes les autres vont venir faire des chroniques. Toi, t'as un micro, tu parles quand tu veux, tu peux remettre à l'ordre. Je peux les critiquer. Mais j'aimerais ça avoir ça dans les médias, surtout par rapport aux médias quand il y a des choses qui se passent. Tu sais, comme aux nouvelles, dans les journaux, j'aimerais ça avoir un pouvoir. Ça s'appelle la section des commentaires, ça, mais personne ne la lit. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a des sites scientifiques, il y a des journaux scientifiques, je ne me rappelle pas lesquels, qui ont banni les commentaires parce que les gens, ils se fient beaucoup aux commentaires pour faire leur opinion. Fait que, quand quelqu'un voit, mettons, un article qui parle du lien entre X et Y, les gens vont lire les commentaires, puis selon les commentaires, les gens vont se faire une opinion là-dessus. Fait que les trolls, ce qu'on appelle les trolls sur Internet, ils ont beaucoup d'influence sur la perception. Fait que il y a des sites scientifiques qui ont décidé d'enlever la section commentaires à cause de ça. C'est une bonne idée. Mais je me demande, j'enlève pas sur mon blog, j'ai un blog, j'enlève pas au contraire parce que je veux ces commentaires-là. Je comprends, parce que toi, ça devient... tu peux troller les trolls, genre. ça te donne la nourriture pour pousser des réflexions, pour vrai. Exactement. Moi, ce qui me fascine, c'est tout ce qui est douteux. Hein? Mais tu sais, toutes les affirmations qui sont douteuses, qu'on retrouve sur Internet, qu'on retrouve dans la population en général... Ouais, c'est peut-être pas super intéressant celui-là, mais il y a plein... Des fois, la vacuité, quand elle s'incarne, il faut la remarquer, moi, je pense. Mais ça m'intéresse beaucoup, ce que je vois dans les médias, à la radio, parce que, on parle de sceptique, je m'intéresse pas seulement, mettons, au paranormal, ou, je m'intéresse aussi aux pseudo-sciences, aux affirmations générales, à la science, aussi la façon que la science a communiqué, ça m'intéresse, tout ce qu'on peut questionner, tout ce qui fonctionne peut-être pas par rapport à ce qui devrait être en théorie. Oui, puis même sa place dans le système, dans le plus grand. Toutes les petites roches font que la grosse maison tient. Je ne sais pas quelle métaphore utiliser, là, mais moi, j'embarque totalement avec toi. Là. C'est un petit peu aussi pour ça que nous, douteux, on a un petit peu la même approche, mais on est comme axé sur la culture, si je peux me permettre, là, dans le sens que nous, ce qui nous fait triper, c'est... la culture, ça pourrait être long de commencer. Mais je suis très content de t'avoir ici, Danny. Donc, le show commence. Parle quand tu veux. Voilà, Danny Plouffe, tout le monde. Merci. OK, bonjour. Ici Réal Bélan, vous écoutez... Puis en passant, tantôt, si tu veux, j'ai un top 5 de mes trucs douteux. OK, bonjour. Ici Réal Bélan, vous écoutez... En tant que sceptique, je peux présenter. OK, c'est ça. Okay. Quand t'es prêt, t'as chaud de dire. J'essayais de faire passer mon indicatif. Tiens, fuck it. Bruno! Salut! Et oui, des nouvelles du monde. Après avoir volé de l'équipement électronique d'une résidence en Californie, Bobby Alexander a décidé que ce serait une bonne idée de relaxer en regardant quelques films. À sa grande joie, les appareils qu'il avait volés étaient encore connectés au compte Netflix de sa victime. Lorsque la victime du vol a remarqué que quelqu'un d'autre utilisait son compte, l'adresse IP d'Alexander a été trouvée, sa caution a été fixée à 75 000 $. C'est... quand est-ce qu'ils vont apprendre? Ça, lui, c'est des vraies nouvelles du monde. Là, c'est comme des prix Darwin de rien d'important. Là. Let's go. Oui, Scott Anthony Gomez Jr., 22 ans, s'est évadé à deux reprises de la prison du comté de Pueblo lors de sa deuxième tentative alors qu'il s'était fabriqué une échelle avec des couvertures. Oui, oui. Comme dans les comics. Comme dans les comics, comme dans les comics. L'homme a glissé et s'est gravement blessé. Il poursuit maintenant la prison pour dommages et intérêts. En effet, selon lui, il était trop facile de s'évader de ladite prison et ses blessures sont donc leur responsabilité. On vous garde au courant. Hey, c'est vraiment un coup de judo légal, weird, hein, Chris? En tout cas, je souhaite que leur famille dorme bien, parce que... Calice, let's go next! Oui, Stanley Getty est arrivé en taxi dans une banque de Tallahassee, en Floride, et a demandé 100 000 $ au gérant de la banque, affirmant qu'il avait un revolver sur lui. L'homme de 47 ans n'a pas payé les 25 et 50 qu'il devait à son chauffeur de taxi, ce que ce dernier n'a pas manqué de mentionner aux policiers lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux. Getty a été arrêté pour vol à main armée, vol simple et résistance à l'arrestation. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. La phrase « l'alcool aurait joué un rôle », je l'adore. C'est tout le temps associé avec une belle nouvelle de Bruno. Ben, let's go, non? Oui, alors qu'il était sur le point de se marier, Kang Hu, qui voyait sa future femme pour la première fois, a été horrifié de voir qu'elle n'était pas aussi belle que ce qu'il imaginait. Il a donc fait ce que toute personne dans cette situation aurait fait, se pitcher dans une rivière, et tenter de se noyer. L'homme de 33 ans a été transporté à l'hôpital. Il aurait affirmé qu'il avait tenté de se suicider parce qu'une femme aussi laide aurait été mauvaise pour son image. Le mariage a été annulé. Il me semble qu'il n'était pas obligé de passer par la tentative de suicide puis d'appel à l'aide avant d'annuler le mariage. Mais elle était tellement laide. C'était sa laideur, le problème. Hey, sa femme était tellement laide, là. Quelqu'un qui l'a vu pour la première fois la veille de leur mariage. En tout cas, t'es-tu pour ça, toi, le mariage? Ça se demande. C'est quoi le sens de ta question? Hein? Parce que c'est important en science, c'est de demander des précisions. Là, je vous enseigne comment. Ouais, c'est ça. Non, mais mariage, précis, c'est quoi? J'aurais pas dit union pour la vie avec une personne. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que t'es pour? Est-ce que dans le sens que je veux me marier ou dans le sens que je suis pour le fait d'interdire? Ben, réponds-moi à ta sauce. Là. Moi, je veux qu'on parle de mariage. C'est vague. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Non, ça, non, j'ai pas l'intention de me marier non plus. Bon, ben voilà. J'ai rien contre, là. C'est cute, des mariages. Ben oui, c'est cute. Tout simplement de prendre l'argent de faire un voyage en Amérique du Sud. Ouais, mais tu sais, t'as un repas quand même. Pendant qu'il y en a. Ouais. Un voyage en Amérique du Sud, un repas. Tu peux voir plein de familles que des fois. Mais je veux dire, en tant qu'invité, tu peux avoir un repas, tu sais, comme tu peux ne pas consulter. T'aimes les mariages des autres. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Ouais. J'aime ça, c'est parfait. J'ai rien contre les gros parties. Ouais, c'est ça. Surtout quand je t'ai invité. Mais, ouais, c'est ça. All right, on continue. Le prochain, c'est un de mes préférés, tu vois. Mesdames et messieurs, vous écoutez le Super Plus sur DTV. Bonsoir. Salut, David. Ça va? ça va, merci. Ouais. Eh bien, dans le contexte de la grève, mon intelligence ne sert plutôt à rien. Et j'ai décidé pour ce d'utiliser mes facultés littéraires et analytiques afin de composer cette chronique. Ainsi, j'ai nommé cette intervention « Traité de sémiologie déconstructiviste et analyse du schème douteux et de la reconnaissance de l'aliénation du sémen dans la représentation du média interactif. » D'abord, qu'est-ce que la sémiologie ? Question un peu ridicule, mais nécessaire. Description. Analyse des signes subjectifs de la langue dans le contexte d'énonciation pratique du syntagme inscrit dans le message articulé en phonème, soit, en forme simplifiée, le croisement d'une forme sémiotique avec son signifié au sein d'une structure tangible qui vise à établir un lien de communication. Ainsi donc, le but premier de toute science et de la sémiologie par le fait même est d'améliorer l'échange entre l'être humain et son milieu afin de favoriser la compréhension des macrostructures qui érigent un système de compréhension. Ce qui nous amène à formuler une synthèse préalable nécessaire à l'élaboration de notre méthode de recherche, mais qui participe à des velléités enfantines. Du genre, est-ce que Véronique Cloutier a aussi eu une phase anale ? Notez que, par le fait même, le recours de la ponctuation et de l'utilisation des guillemets effectué avec les doigts évoque le côté indigeste et la texture émétique du caca. Bref, un tel recours à l'image favorise l'échange entre l'interlocuteur blasé et un locuteur qui désire entreprendre une conversion de nature religieuse. En résumé, il faut comprendre la nature du message pour s'y impliquer. Et c'est pourquoi nous avons besoin du recours au symbole. L'analyse qui a été effectuée au courant des dernières années, et entre autres le travail conjugué et féroce des membres dévoués de douteux.org, ont dégagé une quantité importante de matériel, en plus de fournir un angle d'approche privilégié pour l'étude de notre objet, lequel ne se laisse dessiner que par une fonction synthétique a posteriori, ce que l'on pourrait sans avoir l'air con qualifier de « recours à la métaphore ». Or, il n'est pas aisé de considérer la création de symboles sous l'angle de la dialectique sociale si une métaphore a pour principe, mutatis mutandis, d'écraser la différence entre deux catégories pour en faire par la suite une seule entité. Ce nonobstant, l'emploi de la métaphore suggère toujours le recours à un système réuni en une totalité, laquelle n'a pas le choix de devenir un récit qui s'articule en une mythologie servant à faire valoir un discours d'ordre idéologique. D'où le recours à l'exemple didactique suivant. Pour produire un exemple concret, l'on pourrait qualifier le symbole suivant d'une composition esthétique qui réunit les divers éléments de la production des signes en un symbole aussi reconnaissable sous le nom de phallus. Or, ce que nous enseigne la déconstruction et l'interaction avec un philosophe comme Jacques Derrida est que tout symbole intellectuellement constitué érige un système totalitaire, la présente image servant bien sûr à valoriser la puissance immanente attribuée au sexe masculin et au pouvoir patriarcal. Papa, bien sûr, ne peut pas, devant les enfants, débander. L'utilisation du phallus s'en retrouve déformée. Or, au terme d'une analyse plus poussée, il est nécessaire de dire que chaque symbole constitué par une métaphore représente un système ontologique clos qui a la faiblesse de s'effriter de l'intérieur et de se renverser pour exprimer, une tare dans la philosophie dominante. Conclusion. De la métaphore phallique et du lien qu'elle entretient avec un symbole du douteux.org, l'hélicoptère. Machine merveilleuse et engin de mort, machine violente et technicisation de la libellule coléoptère, les différents sémènes regroupés autour de cet appareil ont besoin du concept d'hélice pour prendre leur envol, c'est-à-dire que la puissance dévastatrice de ce merveilleux engin ne peut se déployer que si un trait, semblable à un membre dressé chez le mâle, se met à tourner sur lui-même à une vitesse unificatrice, celui du geste de vrille à une blague que papa fait à maman quand il sort de la douche, mais que les enfants n'ont pas le droit de voir, j'ai nommé l'hélicoptère. Brrr. Où étais-je rendu ? Voilà. Enfin, il est aisé de voir la résistance qu'un tel symbole entretient dans une analogie avec le phallus, puisque le sexe hélice, qui se meut, aspire à un envol incontrôlé et détaché de la contrainte du tabou de l'inceste, alors que tout le monde sait qu'une érection ne peut être endiguée grâce à un choc nerveux qui fait débander. C'est pourquoi, grâce aux travaux conjugués des membres de douteux.org, et des écrits de Jacques Derrida sur le déconstructivisme et le renversement du symbole phallique, on peut donc de rechef qualifier l'hélicoptère qui explose de quelque chose qu'elle n'est pas, c'est-à-dire à une métaphore de la castration. Merci. Puis? Mais je suis sûr que tu pourras envoyer ton texte dans certains journaux scientifiques qui seraient acceptés. Parce que il y a des gens qui ont créé des générateurs de d'articles scientifiques bidons. Puis ils ont soumis les textes à certaines revues bidons. Puis ils ont été acceptés. Ben, t'as un peu raison, j'ai un peu agi comme un engin de simulation. Ouais. C'est ce que j'ai pu constater. Ah, si, Damien, mais ça, c'est débile, ça, quand même, un générateur de textes scientifiques. Mais ça existe, il y a des générateurs. Ben, j'ai vu le générateur de phrases de Sensei, genre, là. La couverture est toujours plus chaude du côté important. Ouais, moi, j'ai vu un générateur de refus de journaliste. Désolé, je ne pourrai pas faire l'entrevue aujourd'hui parce que, puis là, genre, comme c'est des... ouais, il y en a pour tout le monde. Puis peut-être que les revues bidons, ils ont accepté les articles, ils ont juste comme copié-collé ça sur le net, puis ils ont vu qu'il n'y avait rien. Mais c'est qu'en science, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des journaux scientifiques qu'on appelle qui, habituellement, ben, reçoivent les articles, sont soumis des expériences qui ont été réalisées par les chercheurs. Ils reçoivent, puis ils essaient de les faire valider par d'autres chercheurs. C'est ce qu'on appelle le révisé par des pairs. Révision par des pairs, après ça, c'est publié. Mais il y a certaines revues qui ne sont pas très rigoureuses. Il y en a qui vont accepter à peu près n'importe quoi parce que ça peut être payant, parce qu'il y a des fois que c'est les chercheurs qui vont payer pour faire publier. Ben, c'est sûr. Fait que plus en qu'ils plus, en acceptent. Il y a des modes, là, ils ont vendu des bibs et des menottes parce que le film était bipogné. Ils ont trouvé de la syphilis dans le livre du film. C'est... Fifty Shades of Grey, là. Ah ouais? Ben important, man, okay. Les modes. Hey boy. Puis, hein? Ça fait que moi, je suis tout le temps d'accord avec ça. Il accepte ces textes-là, des fois, puis ça fait qu'il se ramasse des textes totalement bidons dans des revues scientifiques. Ça, c'est quand même semi-respecté. Ben non, c'est pas des revues respectées, là, mais c'est parce que, ben, mais c'est juste que pour montrer que, tu sais, les gens, il faut faire attention quand quand on cherche dans les revues scientifiques. Oui. Il faut chercher dans des revues qui sont quand même réputées. T'es mieux de peut-être trouver trois fois la même information dans trois affaires différentes que de mettons, t'es dans une elle, dans une affaire. Surtout dans que là, on... Québec, Châtelaine, ça paraît, ouais, check dans les trois. C'est des revues scientifiques avec révision par les pairs, oui. Ah, mais tu sais que c'est le bleu ce printemps, hein? C'est quoi? Le bleu. La couleur à la mode ce printemps-ci, c'est le retour du bleu poudre. Et voilà. Bleu pâle. Non, plus bleu pâle. Ah, en même temps, on s'en tabarnak. OK, ça va être à toi après le prochain. OK. Bonsoir, messieurs. Slide, là. Salut, Andy. Salut, Andy. Comment ça va ce matin? Ça poque tout le temps le monde quand je dis ça. c'est la fin de ta fête? Oui. J'ai fait un top 5 sur ta... Non, c'est pas vrai. Tabarnak. Sur les plus belles affaires de ma fête de cette année. Ouais, là. C'est ça. Mais non, mais la semaine passée, j'avais fait une chronique qui avait plus ou moins marché, qui était justement le top 5 des choses que vous savez pas de Tommy. Puis étant donné l'insuccès, je me suis dit, c'est peut-être la faute à Tommy. Fait que je vais refaire un autre top 5 parce que c'est sûr que les tops, ça marche. T'en as un, toi. Fait que c'est le 1er avril dans deux jours. Vous savez ce qui se passe le 1er avril? Oui. Ouais. C'est une journée de plaisir, de joie, de folie. C'est la journée que la revue m'a convaincu d'essayer de pogner Sonic en battant 20 méchants à Cruel Melee à Smash Bros. GameCube. C'est la fois de ma vie, je me suis fait avoir par un... Ah, tu y as cru? Ouais. Ah, t'es cute. Asti, man, passer 6 heures là-dessus. Fuck you, IGN! Je le rends encore. Ben, j'ai justement fait une compilation des 5 meilleurs poissons d'avril, si on veut. Je dirais pas à travers le temps et le monde, mais à travers le monde, ça, c'est sûr. En première position, les 5 meilleurs. Première position... Tu commences par la première, toi. Crescendo. Veux-tu faire ma chronique, mais? Non, non, c'est correct. Je vais pas te dire quand. En numéro 1. Parce que moi, après le numéro 1, je m'en vais, là. Ben, enfin compris ma technique. OK, c'est ça. Numéro 1. Le 1er avril 1998, Uday Hussein, le fils de Saddam Hussein, a informé les lecteurs du journal Babil, journal dont il était le propriétaire, que le président Clinton avait décidé de lever les sanctions contre l'Irak. Il rétracta la nouvelle dans la même journée avec un communiqué qui déclarait que ce n'était une blague, seulement qu'une blague. On va être moins pauvre. Ce que les Irakiens ont trouvé bidonnant par force. C'est super drôle. Il a répété l'expérience en 1999, l'année d'après. Et cette année-là, il avait annoncé que les rations mensuelles du mois d'avril allaient inclure des bananes, du Pepsi et du chocolat. Gang de poissons! Détonnant un filon humoristique certain, Uday répéta la blague de la levée de la sanction en 2000 et la désopilante blague des suppléments de rations en 2001. Fait qu'il alterne. Il alternait. Mais bon. À chaque fois, c'était moins drôle parce que l'espoir du monde montait bien moins, tu sais. Ben, là, ça dépend, c'est quoi, là, tu sais. Peut-être que dans deuxième, c'était des vierges, puis Ben oui. À ce temps, on t'en donne 74 à la place de 72. Ouais, c'est ça, on bonifie ton... Malheureusement, pour des raisons que seul Allah connaît, je présume, le grand... Ça me fait chier que Moustapha n'est pas là. Le grand mufti Abdul Aziz Ibn Abdillah Ali Ash Shaikh a décrété en 2001 que la célébration du poisson d'avril devrait être bannie. Donc, depuis 2001, on bannit. Ça va faire le niaisage. Ouais. C'est comme un leader qui a dit à un autre leader, hey là. Ça fait, là. Come on, man. Pousse, mais pousse égal. Ah oui, c'est ça. Ah, ouais. Torture, mais torture égale. En deuxième position. En avril 2000, le journal roumain Opinia a informé ses lecteurs que plusieurs prisonniers allaient être libérés de la prison de Baia Mare en Roumanie. Une soixantaine de personnes s'est déplacée vers la prison attendant impatiemment que leur mari, leur frère ou leur fils soient libérés. Évidemment, c'est à ce moment fantastique qu'ils découvrirent que le journal avait concocté un audacieux poisson d'avril et qu'ils avaient mordu à l'hameçon. C'est charmant. Ils sont fous, ces Roumains. Mais calmez-vous. Inquiétez-vous pas. Opinia a quand même publié des excuses le lendemain. Il a fait... Ils sont excusés. Ouais. Ah, OK, c'est correct. Ah, ben, c'est correct, d'abord. En troisième position... Aïe, je suis encore barré là. OK, go. En troisième position, Glenn Hallett a reçu un message de ses collègues de la mairie de Londres que le très gros et important rapport qu'il avait, qu'il était garant devait être remis plus tôt, genre dans deux semaines. Ayant reçu le message pendant ses vacances, Glenn les arrêta immédiatement et appela au bureau demandant à tous ses employés de s'affairer à la tâche. À mesure qu'il augmentait son état de panique, jusqu'au point d'avoir des palpitations cardiaques. Il a finalement fait un burn-out et a pris congé du travail. En se remettant de son stress, il a réalisé que ce rapport ne valait peut-être pas la peine de risquer sa santé et a demandé une pré-retraite. C'est à ce moment-là qu'il a appris que c'était un poisson d'avril. Reviens travailler! Oublie ça, ta crise cardiaque! Non, capote pas, là! Il a bien sûr poursuivi la ville pour dommages et intérêts, et malheureusement, comme conséquence de cette poursuite, les employés, depuis ce moment-là, de la ville de Londres ne peuvent plus faire de blagues. C'est fini. Ils n'ont plus le droit. Ils n'ont plus le droit de faire de blagues? Non. Ils n'ont plus le droit de faire des pranks. Ils n'ont plus le droit de faire des pranks aux autres. OK. Ben, ils peuvent mettre des bonnes. Genre. Ben, ouais, mais attends un peu, on est dans un monde bureaucratique. Ouais. Tu peux pas décider qui est drôle et qui est pas drôle. Là. Interdit de s'amuser. OK, c'est bon. Tu prends pas de chance. Donc là, c'est juste les pranks ou ben c'était comme, hey, c'est deux Polonais dans une taverne, t'as le droit à ça ou ben. Je sais pas. Ah, ça dépend, y a-tu des Polonais dans le coin? Ouais, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est là que. Mais ça, ça tombe dans le racisme. Ça, bien plus que dans... Là, on est rendu au deuxième. On est rendu au dernier. Le 1er avril 2003, pendant que des milliers de troupes de la coalition menée par les Américains attaquaient de toutes parts l'Irak, l'ambassadeur irakien en Russie, Abbas Khalaf Kunfut, tenait une conférence de presse à Moscou. Plusieurs observateurs estimaient qu'il allait annoncer la défaite de l'Irak. Ça n'allait pas très bien. Kunfut a préféré choisir une autre raison, tenant dans sa main une feuille de papier qu'il disait être une nouvelle de dernière heure provenant de Reuters. Il prit une pause et dit à voix haute, « Les Américains ont accidentellement lancé un missile nucléaire dans les forces britanniques, tuant 7 personnes. » 7. Le silence de choc était retentissant dans la salle, dans la chambre remplie de journalistes. C'est après un certain temps bien calculé que Kunfut souria et cria « Poisson d'avril ». Le gouvernement irakien tomba le 9 avril suivant. Sauvant ici le monde d'une troisième guerre mondiale. Ben oui, clairement. Alors, ben c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Andy. Merci. Passez une bonne. Hein? Un autre poisson d'avril par rapport à cette six. En 2005, je pense, il y a le Scientific American, qui est un journal scientifique là, qui est populaire. Il avait annoncé que maintenant, il allait arrêter d'être biaisé envers les créationnistes puis qu'elle allait présenter de façon équivalente la position créationniste et évolutionniste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il allait parler d'évolution, il allait présenter la position de ceux qui croient que la Terre est 6000 ans. Puis s'excusait d'avoir eu un biais en faveur de l'évolutionnisme pendant toutes ces années-là. Hey, en tout cas, t'as hâte d'aller le prochain mois, là, tu sais. Ah ouais, ils vont patiner en Grèce, là. Ils ont acheté des écrivains de fantasy, là. Tu vas voir, ça va être de toute beauté. Tu nous as amené un top 5, toi aussi, Danny. On pourrait peut-être passer là-dedans avant de passer. Tu veux lancer le top 5? Ouais, tu veux un top 5? Ça... Ben, on est prêt, on est ouvert. Okay. On est déjà dedans, là. Ben, en fait, c'est que c'est peut-être un peu plus sérieux, là, mais moi, c'est mon top 5 douteux. Tu sais, des trucs que je trouve douteux dans la société ou des trucs qui amènent au scepticisme et qu'il faut se questionner. Fait que mon numéro 5... Bonne idée de commencer par 5, je trouve. Bon, mon numéro 5, c'est ceux qui se considèrent comme des experts après avoir fait quelques recherches sur Internet. Hein? Tu sais, à l'ère d'Internet, il y a des gens qui vont fouiller sur Internet, ils vont lire quelques textes, puis après ça, ils vont donner des recommandations à tous leurs amis, à tous leurs proches, puis ils vont se positionner sur plein de choses et prétendre que la vérité, c'est ça, alors qu'ils ont juste cherché sur Internet. J'ai justement une cliente qui m'a appelé aujourd'hui qui me dit « J'ai lu sur Google et je sais tout maintenant. » Elle t'a dit ça dans ces mots-là? Elle m'a vraiment dit ça dans ces mots-là. Tabarnak, en tout cas. Ça doit bien se manipuler, ça. J'ai justement lu un article de Richard Martineau récemment. Oui. Bruno, tu sais que proche de l'article de Richard Martineau, il y a toujours Michel Baudry pour faire comme... Ouais, je le sais, pour, tu sais, comme pour me remettre le sourire. Là, après, écoute, ouais, c'est ça. Parce que tu peux pas partir fâché. Puis ce que ça fait, c'est qu'il y a plein de blogs sur Internet qui sont douteux, qui sont problématiques parce qu'ils font juste retransmettre ce qu'ils ont trouvé ailleurs. Fait qu'il y a plein de conseils santé, de positions sur les vaccins, sur l'environnement, sur les changements climatiques et tout ça, qui expriment juste parce qu'ils ont lu des trucs sur Internet. Ça, c'est... Oui. Mon numéro 4... Surtout, si tu me permets, ben, je pense à ça. Surtout quand c'est des sujets sensibles comme la santé puis le vaccin, en plus. Là. Parce que là, les mamans, tu sais, ils sont comme « je veux le mieux pour mon enfant ». Fait que là, tu le dis « le mieux », c'est le contraire de ce que tu penses. Fait que là, le monde panique, puis ils vont croire n'importe quoi. Là, ils injectent du pamplemousse. Mais, des vaccins, tu parles des pelules, les piqûres à autisme. Là. Ouais, les... C'est ça, exactement. C'est ça? La conspiration gouvernementale pour... Ben oui, pour rendre tout le monde autiste. Ben oui. Ensuite... mon numéro 4, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est les services de communication des universités. Parce que quand il y a une étude qui sort dans les revues scientifiques, les universités veulent être vues dans les médias. Ils veulent avoir de la publicité, fait qu'ils vont changer. C'est pas qu'ils vont mentir, ils vont toujours arranger les choses pour avoir l'air impressionnant. Je vais vous donner des exemples. Excusez-moi, je ne vois pas mes textos, c'est pour mon. C'est pour des trucs que j'ai pris sur Internet récemment. Tu sais, comme cette semaine, dans la presse, il y avait un titre qui était « Santé cardiaque, quand on mange, aussi important que ce qu'on mange ». Qu'est-ce que ça dit? Quoi? C'est écrit santé cardiaque quand on mange aussi important que ce qu'on mange. OK. Donc le moment où est-ce qu'on mange est aussi important que ce qu'on les aliments qu'on ingère. Fait que ce que tu déduis, c'est que si tu manges, il faut que tu manges à certaines périodes de la journée. Ouais. Fait que tu peux déduire que... Je vous aide un petit peu, là. Ce qu'on peut déduire, c'est que... Mais on fait des expériences avec des gens, puis les gens qui mangeaient une certaine heure étaient en meilleure santé que ceux qui mangeaient une certaine autre heure. C'est une corrélation facile. C'est ça, tu sais. Mais c'est une corrélation, mais c'est que la publication qui réfère à ça, c'est une publication sur les mouches. Quand ils nourrissaient les mouches plus tard, ils vivaient en moins bonne santé. Ils étaient en moins bonne santé quand ils nourrissaient plus tôt dans la journée. Les maudites mouches. Mais est-ce que j'ai l'air d'une mouche, tu sais? Non, non. C'est pas la même question. C'est ça. mais vous êtes en train de me dire que mon grand-père est un singe, monsieur? C'est ça, c'est ça. Je traite ton grand-père de singe. Tu sais, c'est le genre de nouvelles où sinon, même l'université... Parce qu'on pourrait blâmer, genre, le journal pour avoir mal rapporté la nouvelle ou avoir un métier de trompeur, mais ça vient souvent des universités. Ouais, OK, je comprends. C'est eux autres, ils sortent le communiqué, ils disent, mettons, l'université de York a trouvé une corrélation entre se branler et les sièges de Bessic. Genre. Ben, c'est que dans le titre, ils mettront même pas ça. T'sais. Au moins corrélation, au moins c'est pas si pire. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Le mot ouais, corrélation, ça s'écrit mieux que branler pour ça, un rapport. Je te suis, Danny, je te suis. Puis, là, c'est à peu près après un an ou deux. Le titre d'un communiqué de presse de l'Université de Montréal. Okay? C'est un communiqué de presse qui vient directement du service des communications de l'Université de Montréal. C'est écrit « La viande contient un nutriment essentiel pour le développement du cerveau ». Qu'est-ce que ça dit? Mange la viande! Ben, ça veut dire que si, mettons, la viande, c'est composé de 400 000 nutriments, il y en a un qui peut être utile pour le cerveau. Genre, ouais. Ça parle pas de proportion ni du reste. Là, parce que même si tu bois du DDT, il y a peut-être une molécule qui va être utile, mais pour 99 000 qui vont faire que tu vas puer de la gueule pour longtemps. Genre. Mais en fait, j'ai des amis qui m'ont demandé la question là-dessus, puis je suis allé lire l'étude scientifique. Puis dans l'étude scientifique, en fait, là, ce qui avait été fait, c'est qu'il démontrait que l'alimentation n'avait rien à voir avec le développement du cerveau pour ce qui est du composé qui parle par rapport à la viande. Je sais pas si je suis clair. Ouais, ouais. C'est que ce qu'il avait démontré, c'est ça, c'est le composé qui parle, c'est l'asparagine. L'asparagine, c'est un acide d'aminé essentiel. Puis, c'est un beau nom de fille. C'est un beau nom, hein? Puis, ce qui arrive, c'est que si le cerveau ne le synthétise pas lui-même, l'alimentation ne peut pas passer à travers la barrière cérébrale. Fait que l'asparagine ne peut pas passer. Fait qu'il faut absolument que le cerveau le produise lui-même pour se développer normalement. Fait que l'alimentation n'a rien à voir là-dedans. La viande n'a rien à voir là-dedans. Puis l'asparagine a été découvert dans les asperges initialement. Il y en a dans à peu près tous les légumes, en fait. Fait que ce qu'on disait, finalement, il y a plein de sites qui ont rapporté comme quoi qu'il fallait manger de la viande pour développer le cerveau correctement. Alors que l'article, c'est le contraire. C'est qu'il faut que le cerveau le produise lui-même parce que ça passe pas... L'asparagine de l'alimentation passe pas à travers la barrière cérébrale. C'est comme, mettons, si t'as une machine à faire des push-ups, t'es mieux de faire tes push-ups toi-même, ça va aider mieux au final. Genre. Parce que, en fait, c'était une étude sur c'est qu'il y a des gens qui sont pas capables de produire eux-mêmes l'asparagine dans leur corps parce que c'est pas un acide aminé essentiel. D'habitude, le corps est capable de le produire. Il y a quelques rares personnes qui sont pas capables de le produire. Fait que ça avait aucun rapport avec le titre. C'était pas pertinent pour la majorité des gens, mais bon. Et voilà, l'important, c'était de vendre du papier glacé. Exactement. Avec des informations dessus. Que est-ce que t'es en train de dire que ma grand-mère, c'est une asperge? Je vais passer à mon troisième point. mais il y a un ancêtre commun en passant ta grand-mère et l'asperge. C'est la vie? Oui, exactement. Oh, hein? Le carbone? Le carbone, oui. Le troisième, c'est... les médias qui traitent des sciences comme de la politique. Il y a plein de médias que quand ils invitent un scientifique ou quelqu'un qui parle des réseaux scientifiques... on peut débattre, là. Oui, il faut débattre. Ben oui, on peut débattre. Ben ouais. Si j'invite quelqu'un qui prétend qu'il y a un réchauffement climatique, il faut que j'invite quelqu'un qui ne croit pas. Récemment, j'avais été invité à... Sinon, tu n'as pas l'air objectif. Ben, c'est ça. Ben là, on a des études, là, tout le monde est d'accord. Ben oui, mais le gars qui est pas d'accord, je sais pas, trouve-le, mais on en a besoin, sinon on a l'air fou. Mais tu sais, il y a un physicien qui est sorti il y a quelques années, un livre qui disait que la Terre est au centre de l'univers, finalement. Que la NASA nous a trompés, les scientifiques nous ont trompés. Puis, parce que maintenant, le modèle, c'est que la Terre est plus au centre de l'univers. Mais lui, il dit que la Terre est au centre. Puis, il y a un doctorat en physique, le gars. Fait que maintenant, je pense le suggérer aux médias. C'est juste une affaire de perception, on s'en crisse. L'univers est au centre de l'univers observable. Ben, au centre de notre univers, fait que c'est assez bon pour lui. Fait qu'il a sorti ce livre-là. Fait que, par conséquent, ben, des médias, il faudrait toujours, ceux qui parlent de la Terre, il faudrait qu'ils invitent quelqu'un qui croit que la Terre est au centre de l'univers pour équilibrer. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, quand on parle, j'ai été invité récemment à un débat sur les vaccins, puis ils cherchaient absolument des gens qui considéraient que les vaccins, c'est dangereux. Mais je veux dire, c'était même pas des scientifiques qui invitaient des parents qui avaient des témoignages à dire. Moi, en tout cas, mes trois enfants sont pas vaccinés, puis tout va bien. Science! Science. Moi, j'avais fait vacciner mon enfant, puis trois ans après, il a fait une crise d'adolescence. c'est en tout cas... Moi, je dis ça, je dis rien. Corrélation c'est A, point B, point C. Mon numéro 2, c'est les médias qui baissent leur garde aussitôt qu'on parle de paranormal. Parce qu'on dirait, je comprends pas pourquoi dans les médias, aussitôt que tu mentionnes le mot paranormal, tu fais référence au paranormal, ils ont le droit de dire n'importe quoi. Si je dis, par exemple, que j'ai vu le pape en train de faire un vol de banque, les médias vont aller vérifier. Si le pape a vraiment fait un vol de banque. Mais si je leur dis que c'est mon voyant qui me dit ça ou que j'ai des dons de voyant puis que je l'ai vu, ben ils vont le mettre dans les médias. T'sais, on dirait qu'aussitôt qu'on parle de paranormal... Ouais, c'est encore plus vrai avec Internet. Là. Ah, en T'as effet. Vu, on a appris que le cave est allé sur Netflix de l'ordi volé. Là. Hey, c'est inutile de partager ces affaires. Ouais, ben, y a eu une émission de Tout le monde en parle où il avait invité un ufologiste à venir parler de ses patentes. Puis là, c'était comme si c'était vrai. Tout le monde parlait ouvertement du fait qu'il y avait des ovnis. Puis pas besoin de contre-vérifier ou de poser des questions. C'était juste une bonne histoire que les gens... T'sais, mais moi, si je dis que donnez-moi votre argent puis vous allez avoir un taux d'intérêt de 20%, je suis sûr que les médias vont surveiller avant, si c'est vrai. T'sais. Ben oui, mais là, t'impliques l'argent. Puis ça, ça vaut cher. Ça vaut cher. L'argent, ça vaut cher. Tu sais, comme récemment, le Dernière Heure, ils sortent des revues genre... Une édition spéciale, c'est Paranormal hors série. Puis, je l'ai acheté, c'est assez spectaculaire ce qu'on présente. Hey, comme... Sérieux, là, si tu me permets, on vit à un monde où tout le monde a un téléphone avec une caméra, puis on envoie de moins en moins des rapports de. En tout cas, tu sais. Mais justement, tu sais. J'aimerais ça qu'il y ait des fantômes puis des dragons, mais okay. Même si. Ouais, il faut qu'il reste à boire. Insulte pas mon dragon. Non, jamais, je l'aime. Puis, ben, ça, c'était dans la dernière heure. Il y avait une personne qui disait qu'elle était hâte de voir l'avenir à partir des mots croisés. Oh, yeah. Quand elle fait des mots croisés, elle voit l'avenir, tu sais. Mais. Moi, pour vrai, là, j'ai une phrase qui me revient tout le temps quand j'entends des affaires. De même comme quand je lisais ma carte tantôt, là, c'est vraiment la phrase « change pas de main, je vais venir ». C'est vraiment le monde dit ces affaires-là juste pour se faire plaisir. Là, voyons, tabarnak. Non, mais moi, je pense que la femme qui disait ça était très honnête. Ça qui arrive, c'est que par rapport au... Mais c'est qu'il faut comprendre que dans le monde du paranormal puis de l'inexplicable tout ça... Moi, puis c'est pas nécessairement des gens stupides, puis c'est des gens qui croient vraiment ce qu'ils disent. Mais d'ailleurs, j'avais une petite question. Moi, je m'intéresse beaucoup aux extraterrestres, puis ben, je crois pas nécessairement à ça, mais le monde, tu sais, qui raconte ces histoires-là sont vraiment touchés, puis même à la limite traumatisés de leur expérience. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les histoires d'enlèvement, puis les sondes anales, puis ça? Là, j'ai combien de temps, là? J'ai... Ouais. Une heure? Là, c'est pas, okay. vas-y. Une heure, OK. C'est que c'est dur, c'est que il faut prendre des témoignages un à la fois. Tu sais, il y a une certaine époque où est-ce qu'on avait de l'hypnose thérapeutique où dans laquelle on mettait les gens sous hypnose et on leur demandait de raconter leur histoire. Puis pendant ce temps-là, il y avait plein de gens qui racontaient d'avoir vécu certaines choses. Mais ce qu'on s'est rendu compte par la suite, c'est ceux qui faisaient ça, ils faisaient de la suggestion. C'est-à-dire que l'hypnose peut amener des faux souvenirs. Les faux souvenirs peuvent être créés dans le cerveau. Ben ouais, dépendamment du langage utilisé puis de ce qui est à la mode aussi. Ça, t'sais, si dans la cabine du médecin qui fait l'hypnose, il y a 8 revues d'extraterrestres, peut-être que le monde va mieux embarquer. Puis souvent, quand ils étaient dans l'hypnose, ils vont dire, vous prenez sur la route, est-ce que vous voyez, par exemple, des lumières? Je simplifie un peu, mais bon, la personne va dire oui parce que comme avec le dragon magique, tu sais, en suggérant quelque chose, tu vas emmener une certaine idée. Ben, ça leur tente. Puis, mais c'est que les gens, ils voient ça. Puis là, ils tu dis, est-ce que les lumières sont au sol? C'est ça. Puis là, ben, ils vont faire comme, ben non, ils sont dans le ciel parce que t'as suggéré qu'ils ça pourraient peut-être pas être dans le sol. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Fait qu'il y a une certaine époque où plusieurs personnes, par l'hypnose, ils se mettaient à raconter toutes sortes de trucs par rapport aux extraterrestres, par rapport à des enlèvements. Il y a d'autres trucs aussi qui se passent. Ça peut être une des explications, mais c'est pas tout le monde qui a subi l'hypnose. Une autre explication, c'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. De laquelle je souffre d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Tu connais, fait que tu t'es déjà fait enlever par des fantômes. Je me suis jamais fait enlever par. Ben, j'ai déjà vu des affaires weird. Okay. Là, ouais. C'est que notre corps, notre cerveau, il essaie de couper le signal vers le corps quand on s'endort pour pas qu'on bouge pendant qu'on rêve. Puis des fois, c'est que notre cerveau se réveille, mais le corps se réveille pas encore, fait que le corps est paralysé. Fait qu'on est dans un état un petit peu comme. Entre le rêve et la réalité, puis t'es comme conscient, mais t'es incapable de bouger. Donc t'es totalement paralysé. Tu sais qu'il n'y a rien qui te tient. C'est ça. Mais tu peux pas bouger. Tu peux pas bouger. C'est ça. Fait que y a des gens qui voient des extraterrestres pendant ce temps-là, puis ils pensent qu'ils sont kidnappés. Il y a aussi comme, tu sais, même sans hypnose, tu peux avoir des faux souvenirs implantés dans ton cerveau. Fait que, tu sais, juste dans des enquêtes criminelles, les témoignages, des fois, c'est douteux, tu sais. On n'est pas sûr des témoignages parce que le cerveau peut inventer, il peut faire toutes sortes de. Il peut boucher beaucoup de trous, mettons, de choses que tu n'as pas vues, tu n'as pas observées, puis interpréter des choses que tu as vues. Fait que. C'est difficile. C'est que s'il y a quelqu'un qui a été kidnappé, ben, qui ramène quelque chose des extraterrestres. Ouais, ouais, ben, il devient unique aussi parce que, ouais, il n'y a pas de preuves tangibles. On n'a jamais trouvé une sonde anale de. Tu sais, là, quand on va. Ça, on en a trouvé, mais. Ouais, on se comprend. Est-ce que, dans le fond, peut-être aussi même plus large que pour les extraterrestres, pour la madame qui voulait voir le futur, c'est qu'il y a comme un effet placebo dans le sens que le cerveau vient patcher, puis il y a aussi. Moi, je vais être différent, avec moi, ça marche, je suis de bonne foi, je me convainc moi-même que ça marche, et voilà. Ensuite, ça marche tant que tout le monde y croit, là, tu sais. Ouais, ouais, mais c'est sûr que, tu sais, qu'on cherche à. C'est sûr que c'est le fun, tu sais, si quelqu'un est capable de prévoir l'avenir, c'est super le fun. Puis souvent, c'est qu'on a le biais de confirmation, ça veut dire que quand on prévoit quelque chose, puis que ça marche. Ben, ouais, ouais, là, on se convainc encore plus. Quand ça marche pas, on se dit, il y a quelque chose que tu as cherché. Quand ça marche pas, souvent, on l'a oublié, vu qu'on a fait 420 prédictions, puis qu'on remarque juste celle qu'on se rappelle avoir faite. Exactement. Merci beaucoup, Danny. J'ai mon numéro 1. Oui, on va le prendre. Oui, ça me tente. Est-ce que j'ai le temps? Ben oui. Bon, mon numéro 1 dans mon paramalaise douteux, c'est Santé Canada. Oh! mais pas pour l'ensemble de son œuvre, parce que Santé Canada fait quand même des choses intéressantes. Offre d'informations publiques, mais c'est que dans Santé Canada, ils ont décidé d'accepter une loi, d'adopter une loi sur l'homéopathie. C'est-à-dire que maintenant, depuis 2006, je crois, 2007, dans ce coin-là, on a droit de dire que l'homéopathie fonctionne sur les remèdes homéopathiques, sur les traitements homéopathiques. Santé Canada l'a approuvé. Ça, c'est l'effet placebo, en esti, là. Puis c'est que Santé Canada demande quand même de prouver que ça fonctionne. Ils ont 5 niveaux de preuve à Santé Canada. Le premier, c'est les mêmes que les compagnies pharmaceutiques, c'est-à-dire les des tests en double aveugle avec deux groupes, avec un groupe test, un groupe contrôle. Sauf que dans la dernière, puis là, ça diminue en termes de niveau de preuve. Okay. Puis le dernier niveau, le cinquième niveau, c'est. Si ça fait du bien à ma tante à quelque part. Non, ça, je pense que c'est le troisième. Le cinquième, c'est par l'historique, par la tradition. Si ça a été utilisé par tradition, tu peux dire que ça fonctionne pour de vrai. Comme une clause grand-père. C'est ça. Mais ça, ça voudrait dire qu'avec les mêmes critères, on pourrait reconnaître la saignée comme étant un traitement qui fonctionne. Tu sais, la saignée qu'on disait autrefois, là. Les mouches à moutarde. Ben, n'importe quoi comme ça. N'importe quoi marche. Des oignons en dessous des pieds, n'importe quoi. Ouais, ça, ouais. Les compagnies pharmaceutiques pourraient, avec ces critères-là, on pourrait vendre ce genre de produit-là. Ouais, ouais. Oui, les esprits d'ampoule, puis la tuer, ça peut. Mais c'est ce que Santé Canada a fait. Ils ont décidé d'accepter les preuves par tradition, ou sinon, tu peux juste référer un livre. Quelqu'un qui écrit un livre sur l'homéopathie, fait que toi, tu écris un livre, tu es homéopathe, tu écris un livre, comment ça fonctionne. Puis on n'a pas le même nom de famille, fait qu'on n'a pas l'air de collusionner. Fait que moi, je pourrais juste citer ton livre, puis dire ça fonctionne. Puis il y a Marketplace, qui est une émission en Ontario, en fait à CBC. Ils ont fait approuver un médicament qu'ils ont inventé à Santé Canada, un remède homéopathique. Bon, ben, en tout cas, est-ce qu'il y en a des homéopathes, des gens ici qui croient en ça? Il y en a un qui est pointé. Il y en a un là-bas. Qui est pointé, ouais, on sait pas si c'est vrai. Mais on peut non, mais on chasse pas des sorcières ici, on voulait juste rire de toi live, là. Okay? C'est parce que... Sinon, là-dessus, ben, merci beaucoup, Danny. On revient. En fait, c'est la moitié du show. On va faire une petite pause avec notre danseur officiel, notre bon chum Chinook, se laisse aller. On va pouvoir aller faire le plein, faire un petit vide aussi. Allez pas trop loin, on est à 70%. Merci beaucoup, Milan. Au retour, il reste Jesse, Jean-Sébastien. Mathieu, est-ce que je l'aime ce gars-là? Puis Bruno encore. Ah oui, Toto! Je n'oublie tout le temps un. Là, là, mais ouais, mais c'est jamais moi! Quand c'est moi, ça me fait chier! Ok. They beat upon a broken guitar in other streets. They wreak of tropical charms, the embassies lie in hideous yards where tourists gnaw and decay. When they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim. You're out of luck. You're singing funeral songs to the studs. The anabolic and bronze, they seem to strut in their millennial fogs till they fall down into flames. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. We love everything. Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and live love. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim. We'll be right back. just drove off, sometimes life's a cake. I ran my mouth off a bit too much, or what did I say? Well, you just laughed it off, it was all okay. Ok, Milan, passe-moi à Puck! Ben écoute, je n'avais vraiment plein le cul de Céline là. Merci Jesse d'être venu nous voir. T'es en train de te préparer à quoi? Un film d'horreur, quelque chose? Non, en fait ce soir, je vous. Non, là, tu parles dans ton micro, par exemple. Mais là, faut que je sois sérieux, je suis désolée. Donc. Fait que c'est ça, ben dans le fond, je vais vous parler, je vais vous expliquer comment on castre un verra. Puis, en fait, pour les épais qui ne savent pas c'est quoi un verra, c'est le terme qu'on utilise pour... Un cochon reproducteur. Ça parle parler d'un cochon pas castré. C'est un cochonnet. Donc, c'est ça. Sauf que là, je suis en train de me rendre compte que je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça. En tout cas, tu as malmené beaucoup de phallus de beaucoup d'espèces dans tes deux dernières visites. Là. Ben, c'est justement, là, je pense que ma cote de popularité a vraiment baissé. Puis si je veux un jour avoir une famille et des enfants, et je pense que je vais arrêter. Faudrait que t'arrêtes de castrer des affaires, effectivement. Donc, non. Pas. Ok. Elle vient de dire il ne faut pas toucher aux affaires qu'elle a mis dans notre face. Ça, faut pas y toucher. Ça ici, il faut pas toucher. Ça, c'est toutes des intouchables. Moi, Godette, il y a un bistouri, je décroche. Le bistouri tombe amoureux des pinces. Ouais, non, mais bref, dans le fond, vu que j'ai plus besoin d'être stérile, puis qu'il fait calissement chaud autour de ça, puis que sérieux, je suis vraiment écœurée, je vais juste me déshabiller, mais je suis vraiment désolée. Puis vous allez avoir raison de faire le bruit que vous faites en ce moment, parce que pour éviter de tuer comme un porc, j'ai une petite tenue en dessous, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu t'habilles tout le temps comme ça quand tu fais des opérations sur des pénis que tu connais pas? Je sais pas. C'est à toi de venir à la clinique et vérifier. Parle dans le micro. Yes! Ben, écoute, je suis contente de faire ton plaisir ce soir, là. Mais avant que vous continuiez à être comme tout émoustifié... Émoustifié? Moi, je l'aime. C'est un nouveau verbe-là. Moi, je crée des mots à chaque jour. J'ai un aveu à vous faire. J'ai, en 2012, lors de la grève, j'ai été un carré vert. Mais... Toto, il est parti. C'est vraiment parce qu'au début, je pensais que c'était comme vert, recyclage, environnement. Tu sais, j'étais un petit peu naïve. Donc, je suis désolée. Quand on m'a expliqué les vraies affaires, ben là, j'ai fait « Ah, ben non, je suis contre la hausse, là. » Mais j'étais quand même contre la grève, donc je suis devenue un carré bleu. Un lâche. En passant, carré bleu 2012 et carré bleu 2015, c'est vraiment pas la même chose, pas la même signification, donc c'est vraiment important. Oui. J'adore les affaires, ils tombent. Là. Ouais, flac à tes tiennes, Bruno. OK. Il va les tenir. OK, je vais les tenir. Donc, merci. Ça fait plaisir. Puis ensuite, ben, avec la force des choses, j'ai mis les pieds pour la première fois au Musée de l'Absurde avec mon ami Andy et j'ai vu les méga bleus que Andy, que Tommy avait. Il y avait des hosties bleus de la mort sur le corps. J'ai même des photos sur mon ordinateur. J'étais comme, OK, c'est intense. J'ai participé à une manifestation. Puis depuis ce temps. Moi, je lâche pas, moi. J'ai rien dit, en passant. Let's go! Donc, c'est ça. Alors, je suis devenue un carré noir, parce qu'avec la brutalité policière, ben c'est ça. On est en crise, effectivement. Fait que là, vu que je suis en grève et que je pouvais pas étudier, ben... Fais-tu bien gros des carrés de même, là? Je vais manquer de doigts bientôt. Hein. Bon, on peut demander à quelqu'un d'autre d'aller aider. Vas-y, continue. Non, mais peut-être qu'ils vont tenir tout seuls aussi, là. En tout cas, s'ils tombent... Je veux juste pas prendre de chance. C'est ce que je me disais. Donc, avec la grève, dans le fond, j'étais comme écœurée d'étudier. Alors, j'ai découvert Magic. J'ai appris à jouer à Magic. Donc, mon premier deck a été un deck vert et blanc. C'est l'eau des devs. C'était plus blanc, c'était plus vert, c'est devenu blanc-vert avec le temps. Puis, avec la découverte de la semaine passée que j'ai appris, dans le fond, que t'adores les elfes. Donc, j'ai une carte pour toi. J'ai une belle carte d'elfe. Ça va prendre combien de temps pour qu'il la détruit? Non, tu m'as détruit pas, tabarnak! Non. Give it to me, give it to me. Mais tu lui donnais pas? Ben oui, je pensais que c'était mon cadeau. Ben, j'en ai sûrement, là, mais... Ah! Tu voulais juste me flasher ton elfe? Donc, ben, vous avez vu, c'est mauve, hein? C'est des belles petites... Moi, les filles qui viennent ici qui flashent leurs elfes, là. C'est parce qu'en ce moment, je suis pas en train de flasher mes elfes, là, mais bon. Fait que, à partir de ce moment-là, je me suis décidée de faire un changement et d'être un carré mauve. Ça va bien, ça va bien. Puis, c'est sûr que il y a peut-être des joueurs de Magic dans la salle, mais quand tu commences, tu peux plus t'arrêter après. Tu sais, t'achètes un paquet, un autre paquet, un autre paquet, un autre paquet, un petit kit. Puis là, ben, tu fais « Ah, ben, je vais me faire un autre deck ». Fait que mon autre deck, c'est un deck blanc et rouge. Avec, dans le fond, vu que blanc et rouge dilués ensemble, ça fait rose, ben, mes sleeves sont roses. Et donc, j'ai décidé d'être un carré rose. J'aime ça que Magic soit rendu bien importante à tes idéologies coréennes. Donc, c'est ça. Une chance que je joue de la baisse, ça. C'est donc, la première fois que ça me permet de toucher les seins d'une fille, d'ailleurs. Ben oui! C'est parce qu'ils sont plus bas, mes seins, en ce moment, là. Ouais, je suis pas loin, là. Ouais. Laisse-moi rêver, hostie! Le dragon est dans la boîte! Donc, pour finir, si vous me laissez finir, s'il vous plaît, ça, c'est en 2012. On est en 2015, il y a une nouvelle sorte de grève. Ben, une grève, mais pas pour les mêmes choses, ou en tout cas, ça se ressemble. Ben, en tout cas, on s'en calisse, là. Fait que j'ai décidé de faire ma propre couleur, c'est-à-dire un carré de porc à l'orange et canneberge. C'est mon nouveau carré. Donc, on peut tout... Mets les doigts, là. Vas-y, t'es capable. Ah non, on a de perdre le bleu! Ben, en fait, je m'en allais... Et ça, à quoi tu crois? Tu te bats pourquoi quand t'es carré de porc à... Ben, j'aime pas vraiment le porc à part le bacon. J'aime pas les oranges, j'aime pas les canneberges. Fait que je me suis dit, tu sais... C'est ça. Varier ton alimentation. Puis ben, tu sais, pourquoi pas faire changement? Et voilà. Mais tout ça pour dire que pour la finale, dans le fond, peu importe la petite couleur que vous avez, dans le fond, l'important, c'est ce qui est dans votre tête. Oh! Oh. Est-ce qu'on est rendu à dire merci? Merci beaucoup, merci. Jesse. Merci. Merci, Jesse. Politique, est-ce que tu as une affiliation? Il me semble sceptique, puis politique, ça... comment dire? On pourrait avoir un robot qui domine, genre. Un super ordinateur qui contrôle tout de manière objective, là. C'est que ça se peut pas parce que tu peux connaître la réalité, mais tu peux avoir des valeurs différentes. Les valeurs sont pas déterminées par une position objective. Mais là, un robot qui vaut bien cher, là. Combien? Ah, ben, le dernier, moi, celui que je verrais le plus pour ça, c'est Johnny 5. À la fin du 2, ils l'ont plaqué hors, puis ils donnent la citoyenneté américaine. Hey, le gars, il lit des livres en faisant ça de même. Ouais, tabarnak. Donne-y, puis il est immortel, là, c'est sûr. 50 ans dans le futur de cet univers-là, la planète est sous l'hégémonie de ce robot-là. Mais tu penses pas qu'il va être juste meilleur pour tromper les gens? Non, parce qu'il y a un cœur d'or. Comme son plaquage, okay. D'ailleurs. Mais en fait, c'est intéressant parce que... Tu sais, depuis à peu près un an et demi, deux ans, je suis plus impliqué dans le mouvement sceptique et tout ça, puis je me suis rendu compte qu'en prenant des positions politiques, ça influence notre façon de percevoir les choses. Fait que je prends plus de position politique. Ben, je dis plus publiquement. Ben, moi, j'ai peur des ismes, en fait. Peut-être que ça rejoint un petit peu ce que tu dis, là. Dans le sens que les ismes, souvent, j'ai l'impression que ça devient rapidement comme un raccourci, là, que t'as lu les mêmes affaires que moi, fait que t'as évidemment les mêmes conclusions, genre, là. Fait que là on se dit, moi, je suis trotskiste, maoïste, fait que là, ça me tente plus de parler avec cette personne-là, tu sais, ça... Chris, on peut te jaser, pas... Oui, mais c'est ça, c'est que ce qui est dérangeant des fois, c'est les catégories, puis c'est frustrant que des fois la politique... Surtout, mettons, si on prend le cas extrême de la politique américaine, t'es soit de tu sois républicain ou démocrate. C'est tout, les gens, moi, j'aime ça, c'est simple, ces affaires-là. Ouais, ouais. Là. Ces affaires claires. C'est deux camps, un gagnant, un perdant. Ouais. C'est le même, la vie. Tu réponds à deux, trois questions pour savoir dans quelle catégorie. C'est absurde parce que souvent, c'est que les gens vont finir par adopter la même mentalité que exactement. Les gens démocrates. C'est comme, est-ce que c'est la balle qui s'est mise dans la trajectoire de la face de la fille ou la face de la fille qui s'est mise dans la trajectoire de la balle? Il n'y a rien d'autre entre les deux. Là. C'est la même affaire. Merci beaucoup d'être encore avec nous, Danny. Merci beaucoup à Jesse. Wow! Comment ça va, brouhaha? Oui! Est-ce que vous êtes en feu? Oui! Est-ce que vous êtes libre? Oui! Est-ce que vous êtes facile à manipuler? Oui! Non! Ah! Ah, pas tant! Des fois, ils sont plus tough. Écoute! D'abord, bonsoir, messieurs. Tommy, Bruno. Salut, Toto. Ben oui, ça va bien? Content de te voir, ben oui. Ben écoute, je suis content d'être là. Ça n'a pas été facile? Non. Les semaines sont difficiles. Ben oui, tu nous parles de ça à chaque semaine. Ben écoute, j'ai des semaines difficiles et j'ai pas amélioré mon cas parce que ça fait plusieurs semaines que moi et Mathieu Boudreau, on se tient ensemble. Et j'aime pas ça, faire des jokes de drogue dure. Fait que faites-les vous-même. Toujours est-il que ça se peut que ça soit confus un peu ce soir. Parce que moins il est midi, plus que c'est confus. Voilà, c'est le même. Alors, les semaines sont dures. Ça fait plusieurs années que je répète aux gens, Bruno, tu le sais, tu étais là, que... toutes les fois que tu l'as dit, là? À toutes les fois, ouais, c'est Bruno. Bon, j'espère que je vais savoir de quoi tu parles. Plus de lutte égale moins de problèmes dans le monde. C'est un fait. Oui, effectivement, ça fait longtemps que tu en parles. Ça fait longtemps que j'en parle, Bruno. J'y crois encore. Et je suis content de constater que certaines personnes m'écoutent. Parce que si on se fie au débat public actuel qui bat son plein au Québec, il y a de moins en moins de nuances, donc de plus en plus de luttes dans les débats. Vive dans la nuit! Vive dans la lutte! J'adore ça, hein, parce que s'il y a une caractéristique de la lutte, évidemment, c'est que les méchants sont extrêmement méchants. Et les gentils sont extrêmement gentils. La ligne est large de même. Et ça peut virer de bord n'importe quand. Ça peut virer de bord n'importe quand, mais tant que t'es du bon bord... Le en bord, tout cas... Ouais, je comprends. Hein, cette semaine, il y a eu un gros événement de lutte. C'était WrestleMania! Ouais! Hein? À tous ceux qui ont dit... C'est quoi ça? Ça, j'ai entendu? Ça, c'est qui ça? C'est Chinook, ça, hein? Ah oh, ouais, hein? Puis ça a le droit de vote, puis tout. Ça me rend malade. OK. Et il y a eu un match, hein, y avait un combat, le combat dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, le combat qu'on attendait tous à WrestleMania, c'est-à-dire John le combat... Cena contre Rouchkev. Rousseff. John Cena, le gentil américain. Qui a sa propre ligne de vêtements. Ben, qui chante son propre rap. Bien sûr. Qui a son parfum. C'est quoi le problème? Là, écoute, il n'y a aucun problème. Moi aussi, j'aurais mon parfum si j'étais John Cena. John Cena, c'est une micronation, man. Enlevez-y les impôts. Et il se battait contre le très méchant russe Rusev. Et ça, les Russes, hein, pour ceux qui en connaissent, il y a une affaire qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas que tu trosses un russe. Non, jamais. Faut que tu trosses un russe. Je sais pas s'il y en a si, dans mettons, la salle. Si, mettons, il y en a un qui dit « Moi, je suis russe dans la salle ici, là. » Ben, je te crée pas. Hey, ça se peut même pas voir un russe. Voyons. Écoute, John Cena, mesdames et messieurs, contre toute attente, avec le pouvoir, bien sûr, de l'Amérique derrière lui, il l'a emporté, mesdames et messieurs. Préservant pas... l'humanité d'une autre guerre mondiale. C'était pas ainsi le méchant russe à s'en lancer, hein, lui qui était invaincu depuis les presque 2 ans de son arrivée à la WWE. Contrôle complet de toute la race américaine. C'était pas Jojo, moi je l'ai vécu de l'intérieur. C'était dur. Tu veux dire que si le Russe gagnait, on mangerait du borscht pour le déjeuner. Ça nous affectait tous. En fait, j'irai pas loin dans le détail, mais le titre qui était en jeu était le United States Championship. Et pour ceux qui ont écouté WrestleMania, c'était magique. Rusev est arrivé après un cortège de soldats de l'armée russe. Et il est des arrivé vrais, dans là. Un tank. Il avait tous des passeports américains. Et John Cena est arrivé après un montage de discours présidentiel pour nous dire que les Américains étaient évidemment les plus beaux, les plus forts, les plus grands. Et rien que vous savez pas. Parce que tu peux pas être le deuxième dans une lutte comme ça, que c'est blanc ou noir. Ben, la ligne... Blanc ou russe, on dit. Godet, la ligne est large de même. D'un bord, c'est blanc. De l'autre bord, c'est russe. Noir. Ou russe. Asti, Bruno, ça commence à rentrer. Ouais, ça rentrait avec toi. J'aime là. Ça. Wow. Alors, tout ça pour dire, évidemment, que WrestleMania, qui a eu lieu hier soir, est mon truc de la semaine pour rester libre. Tommy, hein, alors on se le tape sur le network ou n'importe quel autre device sur Internet. C'est facilement trouvable, bien sûr. Est-ce qu'on peut payer pour le voir? Moi, j'aimerais ça payer pour le voir. Mais évidemment, Bruno, que je te le conseille. Hein? Oui. Histoire de, tu sais, question de cohérence et de faire rouler, évidemment, le système. Alors, je vous invite à aller vérifier ce qui s'est passé hier soir dans le grand événement de lutte WrestleMania. Merci, Dodo. Ça va être ça pour moi. Ça me merci. Va. Ça merci, Danny, d'être là. Même merci. Si t'es sceptique, on jasera plus tard. La lutte, c'est arrangé, c'est pas arrangé. On jasera. Je pense que t'as gagné. Je vais faire un petit. Peut-être. Je vais m'ouvrir un peu. T'sais, tant que j'ai bu une coupe de bière, je peux me permettre. On est là pour ça, on veut te connaître. J'écoutais la WCW quand j'étais plus petit. Oh, ben là, on va jaser pour vrai tout à l'heure. Oh, là, on va jaser. Martine, ça prend des shooters. T'sais, c'est celui avant Bleu Nuit, là. Ben, c'est ce que j'écoutais. Bleu Nuit. Hein? Merci beaucoup, Toto. On poursuit le show. On arrive presque au bout. Jean-Sébastien, salut! Salut, Tommy! Ce qui jouait, c'est Gambit d'un gars que j'ai promis de ramener au tout début quand on a commencé. C'est Michael Cretu. C'est le gars qui est derrière Enigma, qui est toujours resté pas mal incognito. Michael Cretu de son nom, maintenant vous le savez. Et puis là, ben, on va passer justement en parlant de Michael Cretu. On va utiliser une de ses chansons. Maestro? Maestro? C'est l'heure de l'homélie WAM, cher paroissien! Yes! Hey, toi, le jeune qui est cool, tu veux en savoir plus sur tes idoles, WAM? George Michael, pis l'autre gars, là, au-dessus? Ben, j'ai toute l'information que tu veux avoir. Les saintes paroles de George et son ami qu'on connaît pas. À propos du mariage, le gars dit « Le mariage, c'est un danger à n'importe quel temps. C'est tellement une grosse question à répondre. Tu dois être prêt à te dévouer pour le restant de ta vie avec quelqu'un, point d'interrogation. Je sais qu'il y a le divorce, mais est-ce que tu vas prendre une décision que tu vas... Est-ce que tu vas prendre la bonne décision en bout de ligne? » La plupart des jeunes se marient parce qu'ils sont... ils s'emmerdent et ils savent pas quoi faire. Ils voient leurs amis se marier et ils se disent « ça serait peut-être une bonne idée, moi aussi. Je n'ai aucun doute que je vais me marier, mais pas avant un bon bout de temps. » Et l'histoire dit que... Va vraiment valoir que sa vie soit plate. Là. Il s'est marié 2 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Juste mais avant que ça, WAM, ça commence à être... Un dimanche soir, il n'y avait rien à faire. Là. Maintenant, à propos de l'image, c'est Georges qui nous dit Il y a juste une chose... Non, je vais aller à l'autre. On n'est pas très conscient de l'image, nous autres. On n'est pas self-conscious, ça veut dire... c'est genre, on n'est pas... Non, self-conscious. Self-conscious, tout le monde on se comprend. Yes. Bon, on n'est pas comme Joe Boxer, ça, je pense que c'est un band, ou Culture Club, le groupe de Boy George. Même si les gens pensent que notre look de bad boy... Wham était... George Michael, puis l'autre, le Wham, le Last Christmas. I gave you my heart. Il y a beaucoup de gens... En tout cas, il dit, même si les gens... Ah non, arrête. Hey, lui, c'est un vrai convaincu. Lui, il a la foi, il a la foi divine. Bon, il dit, même à propos de notre look bad boy, même si les gens pensent qu'on a ça, tout ce qu'on a fait, c'est s'habiller en cuir noir et faire une vidéo pour illustrer une chanson. Et c'était vraiment nous, c'était notre linge. Je sais plus si je suis encore. Moi, je pense qu'il a fait une tonne de rap avant d'être bien hot, là. Fait que, parlant de bébites bizarres, qu'est-ce que tu penses, toi? Hey, l'ami, je te parle, regarde-moi! Qu'est-ce que tu penses de la cryptologie, parlant de bébites bizarres comme George Michael? La cryptozoologie? Ouais, la cryptozoologie. On parle de toi ou on parle de d'autres choses? Non, de George Michael. On s'en fout, man. Oui. C'était juste comme une joke. Je suivais plus, là. Une joke qui n'a pas pogné. Moi, j'ai une question, là, Sébastien. Oui? T'as dit ça sur ton téléphone? Ben oui, j'ai scanné ça. Ben, pris une photo, hein. OK. Ben, c'est bien plus facile comme ça. Ben non, moi, je te juge pas. Hein. Je pose des questions. Je suis un journaliste. Fait que là, on va aller dans les spotheads. Non, Toto, t'es pas un journaliste. Non. Je vais y enlever le micro. J'en connais des journalistes. On y va dans les wow et dans les spotheads du magazine Wow et des sextos. Ça commence avec une fille qui dit « As-tu le sens de l'humour? Hey, toi, si tu es une fille ou un gars super beau et que tout le monde le dit, trois petits points. » Hey, faut que tu fasses des recherches, hein? Faut que tout le monde le dise que t'es beau pour pouvoir te parler. Aussi, en tout cas, elle se fie au jugement populaire. Genre. J'aime ça. C'est une fille qui a des critères bien particuliers. Tu aimes te faire du fun? Ça, c'est dur à trouver. Je connais du monde qui aime pas le fun, moi. T'es flyé? Ouais, flyé! Ouais, une gorgée, flyé! Tout le monde prend une gorgée. Tu as entre 13 et 15 ans. T'écoutes Def Leppard, Samantha Fox, Salt and Peppa, nouveau, hein? Oh! Girl Rapper, Bon Jovi et pas trop le EV, point d'interrogation, parce qu'il faut pas que tu sois trop flyé. Oh! Non, ça compte pas. C'est pas cité. T'as le sens de l'humour? Alors écris-moi, j'ai les yeux verts pair, les cheveux brun pâle et je suis super. Envoie-moi ta photo, sinon t'auras pas de réponse. François Lett de Montréal. François Lett. Maintenant, c'est un gars. Bill, c'est plus cool, c'est son titre. Salut, moi c'est Benoît, mais Bill, c'est plus cool. Moi, ça c'est son ami qui suit après. Moi, c'est Stéphane. Killer, c'est plus hot. Il me semble, à l'âge qu'ils ont 13 ans, c'est un petit peu trop, là, Keller, là. T'es pas dans une gang, est-ce que... Écoute, il a jamais laissé un maringouin le piquer, puis il s'en est sorti. Nous sommes à la recherche de belles filles qui voudraient correspondre. Les LED, crisis patience. Nous avons 13 ans. Keller's yeux verts, cheveux blonds. Bill's yeux bleus, cheveux châtains. Benoît Genoux de Laval. Photo obligatoire, si vous voulez une réponse. Enfin, un gars esti qui dit que lui aussi veut des photos obligatoires. C'est d'habitude, tout le temps, les filles qui demandaient ça. Puis là, on a un gars qui fait comme les filles. C'est comme les gars à Tinder qui swipe à droite toutes. Et la dernière, c'est un spothead. L'annonce SOS Garfield. C'est le titre. Salut, je m'appelle Claude. Et je t'avais écrit. Oui, je t'avais écrit pour les choses sur George Michael. Ouh, on fait un 360. Attends, je pense que ça me rappelle un autre dont tu avais pas... En tout cas, continue. C'est pas la même. Ça sonne une cloche, là, moi. Ouais. J'en ai encore beaucoup des choses de George Michael, mais je ne retrouve plus ton annonce. PS, je suis sûre et certaine que c'est moi. J'ai essayé de faire du sens de celle-là, puis non, ça n'a pas de sens du tout. En là. Tout cas... Non, moi, je sais exactement c'est quoi. Elle dit, je m'appelle Claude et je t'avais écrit, oui, je t'avais écrit pour les choses de George Michael, j'en ai encore beaucoup, mais je ne retrouve plus ton annonce. Je suis sûre et certaine que c'est moi. Je pense qu'elle a un petit moment de double personnalité ouais, ou quelque ça. Chose. Claudine Saint-Gelais de Beauport. Hey, du monde de Beauport, on en a-tu? Hey, y en a beaucoup. Charlebourg, Beauport, Saint-Bruno. Ouais. C'est fusionné sans star, ces affaires-là. Ben ouais. Bon, ben, à la semaine prochaine. Merci, Jean-Sébastien. Si Dieu le veut. Oh, let's go. Et là-dessus, on est vraiment rendu à la fin du show. Ça... As-tu déjà écrit, toi, de la... faire de la correspondance? Il me semble que c'est pas ton genre. Hein? As-tu déjà fait de la correspondance avec un timbre, là, comme Charlie Brown, genre? De quoi tu parles? C'est ça, on s'en reparle. On s'en reparle plus tard. Capitaine Québec, une blague. Oh mon Dieu, un coup. Ah ouais, une blague, c'est une fille. J'en connais pas en tout. Bon. Je suis pas bien bon là-dedans. Pas en tout. Excuse-moi. Là. Ah ben non, mais c'est correct. Ça en est déjà presque une. Là. Allez, ça en est une. Salut, bonsoir, monsieur sceptique. Je suis content. J'aime beaucoup tes anecdotes. Merci beaucoup. Ouais, c'est cool. T'aimes mon dragon aussi? Je l'ai adoré, ton dragon. Puis moi, j'en doute pas qu'il y a rien dans ta crise de boîte. c'est comme ça. Moi, gars, cette semaine, j'ai pogné comme une espèce d'infection au poumon. Fait que. C'est une espèce de rhume là, où t'as la sensation que tout brûle en dedans, tu sais, puis ça, c'est pas le fun. Tu sais, quand Dr. House trouve pas ce que t'as? Ben, la deuxième fois, c'est normal, mais pas la troisième. C'est un doux mélange de mort clinique et de combustion spontanée. J'invite tout le monde à prendre des notes. Fait que j'ai craché 50 Shades of Green toute la semaine. Ça fait longtemps que je voulais en faire une là-dessus. Fait que moi, là, les affaires de manifestation contre les faces en feu des jeunes hippies, pas le temps de niaiser avec ça. Je suis trop occupé d'être malade. Fait 40 heures que je suis malade cette semaine. Dégage le Pacifique, tu me déranges pendant que je souffre. Non, hein? À la place de me payer un ticket de 600$ pour obstruction à la liberté de se faire fourrer, je me suis inscrit à la page « Je suis Charles Scott Simard ». Voilà, il va très très bien. Lui, il est en forme au bout. Ben, j'espère que c'est toi d'ailleurs. Voilà. Ce vaillant paramilitaire armé jusque dans les dents qui a su avec brio terroriser la bouche d'une jeune étudiante. Je me suis inscrit là pour garder le niveau. Question de garder ça comme ça parce que tu sais, quand un animateur de Radio X sous-entend que c'est peut-être la fille qui visait le projectile. Je me dis, je peux passer l'après-midi à lire des commentaires haineux sur Facebook. Jamais je n'en trouverai de plus cynique. Bon, c'est dur de faire des jokes ces temps-ci. Tout ça est vrai. Et là, bon, il y avait des courageux qui voulaient faire fermer la page. Wow, il n'y en est pas question. Parce que oui, je suis de ceux qui pensent que l'on doit laisser parler les imbéciles. Hein, sinon, de qui on rirait, hein? Bon. Et je ne sais pas si tu savais, mais en médecine, ça existe encore le terme imbécile. Ils s'en servent moins souvent, mais ça existe. Puis j'ai trouvé la définition. On dit qu'il est atteint d'arriération mentale congénitale correspondant à un âge mental situé entre 3 et 7 ans et un quotient intellectuel compris entre 30 et 50 permettant l'acquisition tardive et imparfaite du langage parlé mais non écrit. Je nommerai pas de nom, mais on a tous Facebook, hein? Voilà. On se le cachera pas, Tommy. Tu sais, Benjamin, genre. Ah, tu peux dire, ben, il n'y a pas de problème. Benjamin, voilà. On le sait à ce temps. On se le cachera pas. Il y a un éléphant dans notre salon. Il est assis sur notre divan, Damien. Puis il y en a une crise de gang qui pense que c'est une girafe. OK? Là, les gens... Oui, c'était une métaphore. Je sais pas si t'avais... Ouais. Sunday voilà. De métaphore. Toutes les saveurs de métaphore. Et oui, et là, on est là, on tripe bien raide. Salut, jolie girafe. Que veux-tu manger aujourd'hui, Gigi d'amour? Et pendant ce temps-là, ben, on a un éléphant qui se gave dans nos pinottes. Mais moi, je le sais. Moi, je le sais que ça n'existe pas, les girafes, hein, puisque je suis un humoriste et tout le monde sait que les girafes, c'est un coup monté. Et c'est ça qui fait peur! Quel coup! Quel coup! Puis monter, s'il est monté ce coup-là, ben par qui? En tout cas, ça me fait capoter. Ouais, vas-y. Par le gouvernement. C'est le gouvernement qui monte ça. D'ailleurs, j'ai lu un article après-midi, OK? Et moi, j'adore ça, lire des articles, parce que c'est toujours très, très, très pertinent. Et j'ai lu que ce serait la CIA qui aurait inventé les trucs de conspirationnistes, la théorie du complot. Donc, la théorie du complot serait un complot. Je devrais rien écrire sur cette feuille-là, à part, hein, tu le sais quoi. Oui, je l'affirme, Tommy, la majorité est majoritairement constituée de morons, d'imbéciles et d'ignorants. Mais n'ayez crainte, tout ça est normal hein, quand une espèce s'éteint. Regarde mon fils 8 ans, vient de perdre une dent. Fait que, comme tous les enfants, il connaît le concept, tu sais, perdre une dent, c'est une visite de la fée des dents. Et là, il me dit, papa, penses-tu que ça vaut plus cher pour la fée des dents une molaire? Et question là, légitime. Légitime, tu sais. Et là, j'ai dit, ben là, tu viens de perdre une canine. Et là, il me répond, oui, mais papa, c'est parce que c'est certain que je peux m'en arracher une deuxième, puis peut-être une troisième, je veux m'acheter les DVD de Walking Dead. Et c'est sûr que ma première réaction, c'est, ben voyons donc! Des DVD. Walking Dead.orin, puis Chris, laisse tes dents tranquilles. Bon. Et là, je ne sais pas par quel hasard, mais j'ai eu ce que les mystiques appellent une révélation. Hein? Tout seul, là, comme ça, hein? Il n'y a aucun média qui m'a dit quoi penser. Juste comme en écoutant la résonance de ce qui venait de se passer. Non, je le sais que tu comprends pas, c'est normal. Et il était prêt. Mon fils était prêt à se faire mal pour plus de cash. J'ai enfin saisi. Tout le monde, Tommy, a raison. Tout le monde a raison. Tout le monde. Les étudiants, les policiers, les politiciens, le citoyen, on a tous raison. Martineau, il a raison. Il a absolument raison. Sa blonde aussi, là, Sophie... Martineau. Sophie Martineau, c'est ça. Je sais pas c'est qui. Et la raison est simple. C'est qu'on travaille tous pour nous-mêmes. Mon père, il disait, hein, le commun, tu laisses ça aux Chinois. Et il avait raison. Ici, on a le luxe d'enfin posséder plus que notre voisin. Dans le fond, l'austérité, hein, ça sert juste à faire ressortir, dans le fond, les plus courageux. Hein? Ceux qui auront compris que la marge de profit va être mince cette année, à qui la chance? Je prendrai pas plus de ton temps. Voilà. En terminant, j'ai été beaucoup critiqué de plusieurs de mes va-chiers parce que ça fait quelques semaines que j'envoie chier les gens sur scène. Et là, on me dit « Pourquoi, Matt, tu nous envoies chier? Nous, on t'aime, on t'écoute, puis tu nous insultes. Yo, ça nous rend triste. Bon, deux choses. Un, va chier. Et deux, j'utilise la technique de la svatiska. Je vais m'expliquer. La svatiska, symbole d'ouverture et d'amour, symbole millénaire, viré à l'envers, hein, devenait le symbole du point Godwin. Voilà. Donc, il y a dans mon va chier un sous-texte, hein, comme dans le mot austérité. Et c'est le même. C'est le même sous-texte. Oui, parce que là, on vient d'apprendre ça dans les nouvelles, hein, que les ministres vont augmenter leur salaire de 14 %. Hein? Avoue que ça sonne comme va chier. J'avais, j'ai raison. C'est, merci Mathieu. C'est, ouais. C'est, bravo Mathieu. As-tu quelque chose à répondre là-dessus? Tu le vis comment, ton 70%? Ben, en fait, je trouve ça intéressant parce que si je voulais former un groupe pour faire ce qu'on appelle communément de la bullshit, je pense qu'il y a plusieurs personnes ici que j'embaucherais. Ah, ben, j'espère. On travaille fort. D'ailleurs, moi, je suis candidat pour candidat pour le parti Rhinocéros et je vais me présenter dans Papineau contre Justin Trudeau. Et j'ai trouvé, en fin de semaine, j'ai trouvé, ça va être quoi, mon slogan de campagne pour le parti Rhinocéros? Ça va être « Votez Justin Trudeau ». Moi, j'habite dans le comté Papineau, d'ailleurs, et ça va être un choix déchirant. Mais je suis aussi dans Papineau. Ah ouais? Ouais, ouais. L'avenir est beau. Mais tu présentes pour de vrai au... Ouais. On s'en reparlera, tu vois. C'est super facile d'embarquer dans le Rhinocéros. On a besoin de monde. Puis on a déjà été le quatrième plus gros parti dans le 162e plus important pays au monde. Ah, on arrive à la fin du show pour vrai. Voici maintenant les nouvelles avec Bruno Corbin. Les nouvelles. On termine ça avec des nouvelles? Oui. Pour faire différent. Il est l'heure. Comme plusieurs d'entre nous, Shanika Torres serait prête à tuer pour le bacon. Cette héroïne des temps modernes s'est fait donner un cheeseburger bacon sans bacon lors d'une visite chez McDonald's. Furieuse, elle s'est présentée au comptoir où elle a été consolée et on lui a affirmé qu'elle aurait un cheeseburger avec bacon gratuitement lors de sa prochaine visite. La femme est revenue pour collecter un peu plus tard dans la journée quand elle a constaté qu'on lui avait encore donné un sandwich sans bacon. Elle s'est dirigée vers la fenêtre du service au volant avec un revolver et aurait crié « Bitch, tu sais pas à qui tu parles » avant de tirer un coup, ratant de justesse le commis. Elle fait face maintenant à au moins 7 ans de prison pour avoir défendu son droit au bacon. Moi, j'aimerais être le premier à affirmer « Je suis Shanika Torres ». Bruno, jamais on a été d'accord de même. Je le sais. Là, on connecte, là. Ça commence à, comme tu dis, ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer, Bruno. Austin Smith de Pékin, en Illinois, était armé de 9 couteaux et portait un masque lorsqu'il a tenté de voler la carte de crédit et l'argent d'une femme. Malheureusement, son déguisement n'a pas eu l'efficacité escomptée. La victime l'aurait rapidement reconnu puisque Smith était son fils. L'homme de 27 ans est reparti bredouille et a été arrêté 90 minutes plus tard. Et finalement, afin d'éclairer son environnement alors qu'il mettait de l'essence dans sa voiture, un homme a décidé d'utiliser un briquet alors que le prévisible est arrivé. L'homme qui était en panne sur le bord de la route en pleine nuit, il s'est rendu à une station-service pour aller chercher de l'essence. Il est revenu à sa voiture et a tenté de remplir sa voiture d'essence, mais n'arrivait pas à voir. Désespéré et utilisant son briquet, les vapeurs d'essence ont pris feu. Feu qui s'est propagé à l'intérieur de la voiture, qui s'est enflammé à son tour. L'homme s'en est sorti sans blessure. Sans blessure? Sans blessure. Bruno, il apprendra jamais, wow. Ce gars-là. Il apprend... non, je sais. C'est vraiment hot. Celle-là, il y a eu un char qui a explosé pour vrai. Ouais. Ça existe jamais, des chars. Ben, il a pogné en feu, en fait. Ça n'explose pas des chars. Ouais. C'est pas fait pour... Il servait deux fois, c'est pas un hélicoptère, mettons. Donc, merci beaucoup, Bruno. Avec plaisir. Oh, applaudissez, Bruno, let's go. Applaudissez aussi notre invité, Danny Plouf. Ah oui. On arrive à la fin de ce 70%. Merci à Toto, Jesse, Andy, Jean-Sébastien, Mathieu, Damien, Élise. Merci à Milan, la console. Je suis rendu ici. À côté de notre ami Emmanuel Côté-Séguin qui va être VJ tantôt. Oui. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose en particulier dans ton set de VJ qui s'en vient? Oui. Ça va, toi? Certainement. Oh, parle-moi, là. tu me posais des questions. Tu m'as soudé, là. Non, non, mais... Écoute, parle-moi du passé, d'abord. Parlons-en du passé, le ressentiment, le sang, la machine la rage, à café. Oui, oui. La machine à café. Ah non, mais on va revisiter des vieux classiques. Écoute, j'ai eu le temps de me préparer depuis 2 mois là, à faire un VJ set du solide. Fait que je vais commencer à mettre des clips quand on va réussir à partir l'ordi. Donc, il va peut-être avoir une petite pause. Ce qui est sûr, c'est qu'on est avec vous. Il est 21h. Toi, t'as 2 heures et quelques de clips. Je pense qu'on a une belle soirée qui s'en vient. Ça va être magique. Merci beaucoup d'avoir été là, 70%. Je pense que je vais faire une petite danse ou quelque chose comme ça pendant que Milan, il reboot la machine. On adore ça. Merci. Oui, merci.